J'ai assez donné, gros. Tu me critiques, non mais attends, j'ai pas le temps, gros, ta go m'attend. Au check, y'a plus de charbon, ça fait bordel, ça coince les passantes. Ouais, le reste, m'en tape, ça fume des persos, j'casse brûler les doigts. Ça fait des cambus en gants, ça nique tout, y'a personne qui nettoie. J'trouve pas le sommeil, les yeux ouverts, la tête dans les étoiles. J'rappais dans ma chambre, en fumée, t'y'avais tout le check chez moi. J'en ai marre de voir les petits voler, tout va mal, j'fais semblant de rigoler. Cavale pour toi, y'a des saintes, les six veulent te mettre des volets. J'connais la galère quand y'a plus de monnaie, des gars tu t'en cries comme des poneys. J'vais tout péter, j'te le promets. J'ai la cagoule, c'est Joel, tu me reconnais. Comme là, j'fais que zoner, à la zone, j'suis abonné. J'suis qu'un homme, j'te promets que j'reste le même. Tu me connais, gros, j'ai assez donné, gros. Tu me critiques, non mais attends, j'ai pas le temps, gros, ta go m'attend. Au check, y'a plus de charbon, ça fait bordel, ça coince les passantes. Mon rap, ma vie, mes potes, ma mère, mon frère, ma zone. J'fais comme j'veux, comme j'peux, comme c'est. J'te dévoile mi corazón. Sur la piste, elle chauffe, elle bouge son boule, elle frotte, elle fait sa folle. Tu crois que tu l'as mis dedans, à la fin, elle te fait un parloir fantôme. D'un fond, et oui, garçon, ça sonne avec le calibre dans le plafond. Tellement, t'es fraîche. Tu me fais fondre comme un glaçon. Tu veux le liaison, t'es plein de façon. Ce soir je le veux, fais rupter le klaxon. En cellule, fais des tractions. Je suis rentré dans le rap, ouais, par effraction. Comme là, je fais que zoner. À la zone, je suis abonné. Je suis qu'un homme, je te promets que je reste le même. Tu me connais, gros, j'ai assez donné, gros. Tu me critiques, non mais attends, j'ai pas le temps, gros, ta go m'attend. Au check, y'a plus de charbon, ça fait bordel, ça coince les passantes.